C'est la spéciale, ce sont des halls sales. Là où les commerciales remercient ce qui est remerciable. Le pif au bout du barillet, les derniers seront les premiers, on peut le parier. C'est la rue qui nous habille, mon pif dans deux trois biches. Nos punchlines, plus la rue, les vôtres, plus la piste. Extru, raid, quand la rue est cruelle. On crie pour se voir éduqué par nos ruelles. On court vers la rue et vers l'heure, se demander l'heure. Dans le rap pas ticket, donc on fuck le contrôleur. On taffe dur dans la street, c'est le premier pôle emploi. Avec le temps, les MC verront qu'ils font pas le poids. Le poids des mots sont lourds, comme le poids qu'on lève. Tu veux du sale, Ray, cartel, c'est la relève. Le poids des mots sont lourds, comme le poids qu'on lève. On veut du pif, Ray, cartel, c'est la relève.